Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Ce soir, Web Singer, oui, c'est vrai. Vous êtes content ce soir? Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes béni ce soir? Oui, c'est vrai. Alors, on peut continuer? Oui, c'est vrai. On va le faire avec le groupe. Groupe, vous êtes content ce soir? Alors, on continue? Oh, Yemba, à tout ça.